miroir indique du changement. Pour sortir les crèmes du soir, pour retrouver leurs 20 ans, retrouver d'anciennes libertés, pour se prouver qu'elles vivent. Rechercher cette jeunesse qui fuit petit à petit. Les filles de la quarantaine réfléchissent sur elles-mêmes. Un regard dans le miroir, une image qu'elles n'osent voir. Une envie de vivre autrement, de rattraper le temps. Mais reste sauvage. Et si l'avenir leur fait peur, elles restent volages. Veulent retrouver cette hardiesse née de folles envies. Se prouver qu'elles existent, qu'elles ont encore des rêves. Les filles de la quarantaine réfléchissent sur elles-mêmes. Un regard dans le miroir, une image qu'elles n'osent voir. Une envie de vivre autrement, de rattraper le temps.